la météo pour mon anniversaire, mais voilà qu'il pleut des seaux d'eau. Ma fête est en l'air, plus de copains, plus de cadeaux. Ma fête en plein air est tombée à l'eau.